Salut Charline. Bon, alors aujourd'hui, je vous préviens, on reprend le cours d'une émission normale. Oula, d'accord. C'est quoi une émission normale? Ah bah, c'est carré, avec des rendez-vous bien fixes, là, précis, pas d'écart. Ça fait un an et demi qu'on fait des émissions, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas une seule qui était comme ça. Donc... Eh ben, ce sera celle d'aujourd'hui. Okay, voilà. Okay. Il est où Guillaume? Oui, alors Guillaume, je l'ai envoyé à Bruxelles pour faire des reportages pour la spéciale de demain. Donc ça ne va pas être une émission normale. Et demain non plus. Ah non, ce sera une spéciale demain. Là, vous avez décidé de m'énerver, là, c'est ça. En fait, notre émission, c'est un peu comme des frites coupées au couteau. Il n'y en a aucune qui se rassemble, en fait. C'est beau. C'est ça, magnifique, très bon. Voilà, c'est qui l'invité aujourd'hui? C'est Pierre Jouan. Ah, génial, on va dézinguer la littérature. Oui, sauf son livre. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Oui. Alors, les sujets. Ah, il y a les Rolling Stones à Cuba. Ah, ça c'est bien, c'est rock. Et dans Vanity Fair, il y a un article sur l'opposition entre Jacouille la Fripouille et Batman. Ouais, ça c'est un sujet passionnant. Jacouille la Fripouille, complètement absurde. Complètement absurde. On a tout ce qu'il faut. Oui, voilà, alors là on a du rock, de l'absurde, un invité qui dézingue. C'est n'importe quoi, Alex. Parfait. Ça c'est notre émission. C'est ça. Elle ressemblera pas à une émission normale, mais j'espère au moins qu'elle aura du goût. Ça, notre émission, c'est comme des frites coupées au couteau. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mais elles ont toutes beaucoup de goût. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon, le Baudelaire de la baraque à frites, là. Allez, hop, au boulot. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les Charlie, les Bruxellois et les rockeurs de la Terre. Vous écoutez l'émission qui prend quelques libertés avec l'actualité. Et voici les trois informations qui vont briser leur chaîne jusqu'à 18h. À la peur des attentats s'ajoute une autre peur, celle de s'y habituer, de finir par se dire « encore un ». Là aussi, il faut résister et pour ça, rien de mieux que d'en parler, quelle que soit la manière. Je sais qu'ils sont dangereux et armés. Et alors, maman? Je vais leur foutre mon stabilo dans le cul, ils nous feront chier en couleur comme ça. Dans deux jours, les Rolling Stones seront en concert à Cuba. Demain soir, heure de la Havane, en vérité. Des rockers anglo-saxons, ça c'est l'autre révolution, bien sûr, à Cuba. On va manger des chips, t'entends? Des chips. Les Américains ont Superman, Batman ou Iron Man. En France, on a Jacouille la Fripouille Man, Patrick Chirac Man et Brice Denis Man. On a les héros qu'on mérite, sans oublier le héros des héros français. Navarro, j'écoute. Oui, voilà, c'est rayé, c'est normal. Et moi, je suis accompagnée d'un quête de Bruxelles, qui est un véritable héros, comme tous les quêtes de Bruxelles ces derniers temps. C'est Alex Vizorek. Mais bonjour, Charlie de la Menaker. Et autour de la table, une toute belle équipe aujourd'hui. 17h20, hier, il nous a présenté une merveilleuse chanteuse danoise. Eh bien, une auditrice vigilante nous a fait remarquer qu'elle était norvégienne. Voilà. Mais voilà, c'est pareil. Qu'importe. Elle chantait bien, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est notre chroniqueur musical camerounais, c'est André Manoukian. Bonjour. Bonjour, Pinaillé. Eh bien écoutez, aujourd'hui... La posture est enfin révélée au monde. C'est pareil, c'est l'Europe du Nord, on s'en fout. Aujourd'hui, une chanteuse française. Oui, bien sûr. Mais oui, elle s'appelle Junior, J-U-N-I-O-R-E. Et je vais en profiter pour la prendre en otage et faire une petite dissertation sur le temps fléché et le temps circulaire. Voilà, 17h30, Guillaume Meurice est à Bruxelles aujourd'hui pour des sons que vous entendrez demain. Et donc, il est remplacé par le non moins brillant, mais heureusement moins bruyant, Marius Colucci, bonjour. Oui, bonjour. Et ben voilà, moi je suis bien. Dès que vous avez besoin de quelqu'un, en fait, hein, je suis là, je suis pas loin, ça m'arrange. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de littérature fantastique. Ça nous change de Meurice. Hein. C'est bien. Vous l'entendez, 17h40, celle qui se refuse à moi avec tant d'obstination et sans aucune raison valable que j'en suis à la conclusion qu'elle a dû être endoctrinée. C'est vous, Clara Dupont-Manou. Bonjour, Alex. Bonjour. Vous voyez, c'est fou, c'est de l'endoctrinement. De quoi vous allez nous parler? Du livre de notre invité. Ah, ça c'est une bonne idée. Et oui, car aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous René Coty. Vous êtes reçu à l'agrégation... Je fais ça avec un petit air... Ça fait le même effet à chaque fois. Mais, c'est... Tout le monde, ouais. Mais vous êtes reçu à l'agrégation de lettres modernes en 81. C'est l'année où sont autorisées les radios libres. Vous publiez Pays perdu sur un mot du Cantal en 2003 quand la Belgique adopte le mariage homo. Et vous tenez le blog Confiture de Culture sur leur site du Nouvel Obs, devenu l'Obs, à partir de 2009. Une belle année pour la culture 2009 puisque c'est le retour de Tournée Manège sur TF1. Ah, et la révélation de Suzanne Boyle en chanson. Ah, ça aussi. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Pierre Jourde. Pierre Jourde. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Pierre Jourde est sous le choc de l'annonce de sa naissance sur René Coty. J'ai toujours ma photo sur lui. je la donne à qui la veut. Ah, un petit peu comme on a le maréchal dans le missel. C'est cela. Pierre Jourde est avec nous. Vous publiez « La culture bouge encore ». C'est la culture qu'on assassine, tome 2. C'est publié chez Hugo Doc. Vous avez sur l'Obs votre fameux blog La Culture, les confitures de culture. Et donc c'est un recueil de vos billets, Pierre Jourde. Alors moi j'ai une petite première question avant de laisser la parole à Clara Dupont-Mono. Déjà, comment on fait pour avoir un avis sur tout ? Moi, c'est une question qui me turlupine. Parce que vous parlez de culture, mais vous balayez tous les sujets, notamment sociétaux. J'ai pas d'avis sur les problèmes de la mytiliculture, si vous voulez. Ça, je ne sais pas du tout. Non, il y a quand même des petits blancs par-ci, par-là. Ah, il y a des angles morts. Mais je mesure très souvent à quel point je vais atteindre mon niveau d'incompétence. Mais j'y vais quand même. Ouais. C'est une curiosité viscérale. C'est de la curiosité pour toutes les choses. Oui, puis si vous voulez, on dit toujours que l'université française, que les intellectuels français n'interviennent pas suffisamment dans le débat, etc. Et j'y vais, voilà. Très bien. Clara Dupont-Mono. Déjà, bravo, parce que c'est difficile d'écrire et d'être drôle. Alors, je sais pas si vous le faites exprès, mais en tout cas, vous y arrivez. J'essaye. Donc, bravo. C'est là qu'il me dit non, je voulais pas du tout l'être. Non, mais en tout cas, c'est très drôle. Et alors, vos chroniques, vous les avez classées dans ce livre sous différents thèmes. Il y a culture, éducation, médias, littérature. Et en fait, ce que vous faites, c'est qu'en quelques pages, vous épinglez un petit travers de notre époque. C'est-à-dire que votre radar va identifier un tic, une petite hérésie, et vous la mettez en pièces. Alors, par exemple, le mot décryptage, ça vous supportez plus parce que c'est mis à toutes les sauces. Le taux de réussite au bac, ou alors Pierre Berger. Bon. Mais oui. Et alors, là, c'était facile. Non, mais c'est vrai, je viens de citer trois thèmes, mais il y en a plein d'autres. Et il se trouve que je voulais vous demander, le fil rouge qui tient cet apparent picorage, c'est la défense de la culture, c'est-à-dire d'une certaine exigence. C'est ça l'idée ? Exigence, pas nécessairement, mais la culture comme quelque chose qui est censé nous libérer. Et au contraire de, si vous voulez, une espèce de décorum social, hein, de quelque chose qu'on va sortir justement, qu'on va étaler comme de la confiture au dîner chez des amis. Non, quelque chose qui est important pour l'ouvrier, comme il y a une culture ouvrière, et à quoi il a droit. Et par exemple, ça passe par la langue, parce que vous dites par exemple, vous regardez les médias et vous dites, je remarque que chaque fois qu'il y a une grève, on dit « grogne ». Oui, vous avez remarqué. Bah oui. Il y a rien de pire que le langage stéréotypé, parce que le langage stéréotypé, c'est un langage qui fonctionne tout seul. Il croit qu'il dit quelque chose, mais en fait, il dit rien. Et lorsque le langage n'est pas stéréotypé, on a des chances pour qu'il accroche un petit peu à la réalité. Vous avez remarqué le nombre de titres, par exemple, dans les journaux, qui commencent par « quand ». C'est pas, par exemple, Pierre Berger traite de con le meilleur écrivain français vivant. Mais quand Pierre Berger traite de con le meilleur écrivain ? Pourquoi ? Alors ça prend souvent plus de place. Symptomatique des sites d'information en ligne. Peut-être pas seulement. Ou alors il y a une influence. Comme il y a une BFMisation de toutes les télévisions et de toutes les informations, il y a aussi une influence peut-être des sites d'info. Alors que eux peuvent faire des titres plus longs finalement. J'ai surtout l'impression que les journalistes considèrent qu'il y a événement quand les autres journalistes en parlent. Ce qu'il faudrait, c'est ivre virgule, Pierre Berger traite de con de merde. Par exemple. Alors, Clara Dupont-Mono ? Oui, parce qu'en fait, votre exaspération, elle a des constantes. On voit des obsessions qui se dessinent dans vos chroniques. Ce qui vous rend fou, par exemple, ce sont alors les dogmes, les obstacles à la liberté d'expression, ça vous y est hyper attaché. Il y a les ghettos, il y a les journalistes. Je vous cacherai pas qu'on s'en prend un peu plein la figure, et notamment les journalistes de France Inter. Mais pas vous, bien sûr. Oh, bah non, mais alors, le nombre de fois où vous commencez Clara, vos chroniques vous êtes journaliste ? en disant Je le crains. Vous êtes sur France Inter ? Je le crains. J'ai plein de vis dans celui-là. Mais il y a plein de fois où vous commencez vos chroniques en disant « Entendu sur France Inter ». Alors, je suis débasqué. Mais écoutez, c'est la seule radio qui l'écoute. Alors, allez-y, qu'est-ce qui vous agace ? D'abord, je l'écoute parce qu'il n'y a pas de pub, mais il paraît que ça va changer. Donc, non. Alors, c'est la pub commerciale qui va venir sur France Inter. Le volume de publicité sera le même. Donc là, vous avez le choix entre la Matmut et Justin Bridoux. Alors, je ne sais pas trop ce qui est... Je ferme la parenthèse. Parce que c'est une radio que vous écoutez, donc vous épinglez les travers des journalistes de France Inter. Par exemple, qu'est-ce qui... Oui, mais remarquez. J'ai pas la télé, mais quand je la regarde chez des amis, je change de pièce parce que ça me fait peur. TF1, c'est tellement effrayant que je préfère faire autre chose. Quoi. Mais par exemple, ce qui vous fait bondir, c'est que vous entendez la phrase « l'art est une révolte ». Ça, vous fulminez. Ensuite, oui, parce que voilà, c'est le type même de stéréotype. Pour revenir à ce que vous dites là, c'est l'épisode où Daesh avait détruit les figurines des temples assyriens. Bon. Et il y a une émission là-dessus où on disait l'art et révolte, sous-entendu, Daesh, la tyrannie de Daesh décrit des symboles de révolte. Ce qui est d'une idiotie sans pareil, puisque ces figurines étaient le symbole du pouvoir, en fait, du pouvoir assyrien. Donc c'est un manque de réflexion terrifiant qui nous permet pas de comprendre le monde, justement. Ce que je reproche, en fait, à, et pas seulement au journalisme, mais un peu à tout, c'est l'absence de pédagogie, c'est-à-dire l'absence de volonté de faire passer du sens auprès du plus grand nombre. Mais pour ça, il faut du temps. Et moi, on m'oblige à faire des chroniques super courtes. Ah ouais. Seulement 19 minutes. Il y a quand même un problème. Je vais poser une question, Charline. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire? Aujourd'hui, la culture, elle se meurt dans nos sociétés occidentales du spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire où il y a cette dichotomie? Quand la culture devient spectacle, c'est plus de la culture. Ou c'est propre au XXe ? C'est pas propre au XXe d'abord. La question de la marchandisation de la culture, notamment du livre, parce que c'était d'abord ça, ça commence au XIXe siècle. L'industrialisation de la culture, c'est à peu près sous Napoléon III, avec d'ailleurs la révolution industrielle. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Disons que ça prend des proportions énormes. Et dans l'Antiquité, il n'y avait pas des problèmes comme ça. J'ai l'impression que Platon, il se battait aussi contre certains. Il est né sous René Coty, hein, mais avant. Ah oui. Oui, Platon, j'aime pas qui c'est. Les jeux du cirque, c'était pas très culturel non plus. On va avoir l'occasion de revenir sur ces sujets parce qu'on a choisi comme troisième sujet les héros américains et les héros français dans les films. Je pense que Pierre Jourde aura pas mal de choses à dire à ce sujet. Il publie La culture bouge encore chez Hugo Doc. Vous êtes sur France Inter. The sun is on the rise. Bob Marley nous dit « So much trouble in the world ». Vous êtes sur France Inter. Fume, c'est du belge, c'est annule tout. En compagnie de Pierre Jourde, la culture bouge encore, nous dit-il dans son recueil de billets de blog paru chez Hugo Doc. On vous renvoie son blog d'ailleurs sur le site de l'Obs, bien sûr, avec du tout frais là, posté. Vous êtes très bien sur Christine Angot. Dans le... voilà, allez voir le dernier sur Christine Angot, par exemple, autour de la table, Alex. Eh bien, par ordre d'apparition, André Manoukian, Marius Colucci et le meilleur pour la fin, Clara Dupont-Monod. Et dans les informations avant les titres, je voudrais vous dire que demain, nous sommes à Bruxelles, en direct, dès 16h, dans une émission la avec la RTBF. On vous attend. Plein d'invités. Voilà. À Flagey. Allez, c'est le moment des informations, Pierre Jourde, attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Hier, en meeting à Londres, Nicolas Sarkozy a vivement critiqué Donald Trump. Oui, il sent que la primaire républicaine en France s'est foutue, il se lance dans celle aux États-Unis. Guillaume Musso sort un nouveau livre aujourd'hui. Ah, je regarde Pierre Jourde, il est à deux doigts de l'AVC. Et des brèves, il y aura même un ivre virgule. Ouais. Retour d'abord sur les attentats de Bruxelles. Apparemment, Salah Abdeslam souhaiterait partir en France le plus vite possible. Oui, alors lui, il avait fui Paris après le 13 novembre. Maintenant, il veut fuir Bruxelles après le 22 mars. Le type est beaucoup trop émotif. Et malgré les menaces terroristes, selon son directeur, le Tour de France aura bien lieu. Comment est-ce qu'il s'appelle le directeur du Tour de France ? Christian Prudhomme. Ah, et Prudhomme, il ferait mieux d'abord régler cette loi El Khomri, après il s'attaquera au Tour de France. C'est vrai. Politique à présent ? Oui, lors d'un meeting à Londres, après de la communauté française, hier soir, Nicolas Sarkozy s'en est pris à Donald Trump. Il a dénoncé le populisme et la vulgarité de Donald Trump. Il a dit quoi de Trump ? Populiste et vulgaire. C'est marrant, c'est vrai qu'il a repéré ça. Lui. C'est peut-être garder le son pour une prochaine fois. Voilà. Et on reste chez les Républicains avec Jean-François Copé. Et là, il y a du son. Le Petit Journal a suivi au Salon du Livre Jean-François Copé. Et il y a un jeune Américain qui vient et qui lui explique qu'il veut devenir médecin. Et comme le père de Jeff est médecin, eh bien, il l'interroge. What do you want to be after? Quelle voulez vous faire une spécialisation? Sure, chirurgien? I'm thinking somewhere within surgery. My father is surgeon. Mon père est chirurgien. Proctology. Chirurgien proctologiste. Proctologiste. C'est quoi la proctologie? Et là, il est coincé, Jeff, parce qu'il doit expliquer à notre ami américain ce qu'est la proctologie. Écoutez, là, je ne traduis pas, comme il se lance en anglais. Proctology, yes. It's a specialty at the end of the... I think we could say it's the ass... Voilà. Non, c'est pas vrai. Ah si, je vous jure que c'est vrai. Non, c'est vrai. Les images. Félicitations au Petit Journal qui parle toujours à mettre la main sur ce genre de choses. Et Copé, on le sent, est assez doué pour se mettre dans des situations de merde. Passons à gauche. Oui. Des bonnes feuilles du livre de Thomas Thévenoud sont sorties et il prétend s'être fait alpaguer par Jean-Jacques Bourdin dans les couloirs d'RMC. Oui. Alors je cite. Hein, je vais vous dire, Monsieur Thévenoud, la vérité, c'est que vous êtes un peureux. Vous n'avez pas eu le courage de venir chez moi. C'est tout. Vous avez eu la trouille. Vous n'avez rien dans le pantalon, fin de citation. Voilà, Jean-Jacques Bourdin est donc allergique à Thomas Thévenoud et c'est donc un comble. Partons à Toulouse. Oui, à Blagnac, 200 téléopérateurs doivent avoir une autorisation écrite pour aller faire leur pause pipi. Avant de se lever de leur chaise, ils doivent faire une demande par mail et attendre qu'un mail de réponse leur revienne. Voilà, donc moi je leur conseille d'imprimer ce mail et de se torcher le cul avec. Les syndicats ont déposé cette un... Même, de cette même boîte, hein, c'est les syndicats de cette même boîte. Oui, voilà, ah oui, d'accord. On dirait que vous aviez changé d'info. Ah oui, très bien. Voilà, parce que j'étais pas prévenu. Cette boîte ont voilà. Déposé un préavis de grève parce qu'aujourd'hui il y a des syndicats aussi dans la rue, c'est pour c'est, ça que je c'est bien, c'est pour ça que je voulais m'arrêter. Donc contre cette nouvelle pratique. Eh ben oui, donc à mon avis ça va chier si les syndicats s'en mêlent. Ah voilà, c'était pour amener cette vanne. C'était pour amener cette vanne, mais on a bien fait, hein, ça aurait été dommage. Et ça va chier seulement s'ils en ont l'autorisation. Ah, ça, eh oui. Télévision. Voilà. Vincent Lagaffe quitte TF1, arrête la télévision. Ah, bah voilà, pas que des mauvaises nouvelles. Voilà, pas que, mais Guillaume Musso sera l'auteur préféré des Français. Et oui, je suis désolé, Pierre Jourde, il y a un sondage qui est sorti. Je pense qu'ils vont le recruter. Je vous donne l'ordre. 1, Marcel Pagnol. 2, Victor Hugo. 3, Émile Zola. 4, Jules Verne. 5, Molière. 6, Guy de Maupassant. 7, Guillaume Musso. Il est devant Alexandre Dumas, devant Baudelaire et devant Proust. Félicitations à lui. On vous a épargné les ivres virgules, on les garde pour demain en direct de Bruxelles. Oh, oui, t'es pas mal. On va aborder le premier sujet avec vous, Pierre Jourde. Encore, je mets entre guillemets ce « encore », un attentat est-on tenté de dire, comme l'a dit par exemple Johannes Farr, qui s'interroge sur cette réaction, qui est sa première réaction suite aux attentats de Bruxelles. Et il se demande donc comment lutter contre ce sentiment de répétition et d'impuissance. Chacun lutte à sa manière, développe des mécanismes de défense. On en a trouvé un assez efficace, donc on vous le propose. Tant y aller. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a encore une flamme en toi. Ah. Ne laisse pas ceux qui ont décidé d'éteindre la leur de te pousser à finir comme eux. Tu es libre d'utiliser la lumière, ta lumière, ça marche, non, pour rayonner, pour impacter le monde. En fait, tu as le choix. Choix musical. Faire de ta vie quelque chose de triste. Alors là, c'est gênant. Rempli de peur. Ah non, c'est gênant quand même. Dire que c'est non, finalement, c'est gênant. On va arrêter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coach. Il s'appelle Mike Stevenson. Et voilà, c'est pour vous galvaniser, pour vous requinquer sur Internet. À voir la tête des gens autour de la table, le moral n'est pas revenu. Ça existe, ça existe. Alors c'est un article qui est notamment paru aujourd'hui sur le HuffingtonPost.fr. Je vous lis son titre. Attentat de Bruxelles. On s'habitue à l'horreur, ça ne signifie pas qu'on devient insensible. J'ai trouvé ce titre, ce titre m'a interpellée. Je me suis dit, vous Pierre Jourde, écrivain, satiriste, romancier. Par exemple, quand on entend tout le temps la même phrase aussi du côté des politiques, bien sûr des journalistes, j'imagine que vous aurez des choses à dire là-dessus, et les politiques dire toujours « je condamne fermement » et toujours utiliser ces mêmes mots de façon mécanique, est-ce qu'il n'y a pas finalement une usure? Et quand on n'arrive pas à changer les mots, à mettre des mots, est-ce qu'on n'est pas un peu perdant? Il y a une forme d'érosion de la sidération. Il y a une usure effectivement du langage, vous l'avez bien relevé. À chaque fois, on va interviewer le président de la République ou le Premier ministre qui dit « je condamne fermement ». Oui, on s'en doutait, il allait pas sauter de joie, toute façon. Donc ça produit rien, ça produit pas de sens, c'est juste de la parole obligée. Il n'y a plus de sens, c'est ça, dans la façon de décrire le réel qui nous tombe sur la cafetière? Non, mais aussi je crois parce que... Je ne sais pas si je peux dire ça. Je ne crois pas non plus qu'on ait des politiques qui soient à la hauteur, qui aient une certaine carrure. La manière dont ils sont arrivés au sommet de la carrière politique, je pense que ce sont des... on a des politiques qui sont surtout des... Comment dire, des petits apparatchiks. Voilà. Mais on a aussi l'impression qu'au niveau... Pas des hommes d'État. Oui, on a aussi l'impression qu'au niveau du discours politique, ils ne se font plus aujourd'hui qu'avec 200 mots de vocabulaire. Mm-hmm. Oui, oui. C'est très bizarre. Avec 200 mots de vocabulaire. C'est pas du côté du discours politique, en tout cas comme ça, qu'on pourra résister. Et puis à chaque fois, on balance des psychologues. Vous avez remarqué? Il arrive n'importe quoi, on balance des psychologues. Ouais. Moi, j'ai eu des deuils dans ma vie. La dernière chose que j'aurais voulu, c'est qu'on me balance un psychologue. J'aurais mis des baffes. Enfin, c'est pas possible. Non, il y a une chose qui sert à lutter. C'est d'abord l'humour. Mm-hmm. Ça, l'humour, c'est essentiel. J'ai eu un fils qui a une très très grave maladie. Et je me souviens qu'une fois, je l'avais emmené faire un scanner. Et je lui dis, mais tu sais, le scanner, là, il y avait tellement de monde qu'il faut qu'on aille dans celui-ci qui était ouvert. On arrive, et il regarde et il voit clinique vétérinaire. Je lui dis, bah oui, il n'y a que là qu'il y avait un scanner. Quand il a compris, il s'est marré quand même. C'est comme ça qu'on peut lutter contre le deuil, contre l'horreur, contre... Alors si on a aussi une impression de peut-être d'érosion, de la sidération, il y a aussi peut-être justement cette distance qu'on met avec le réel qui est un mécanisme de défense. On développe chacun nos mécanismes pour face à la sidération et à l'horreur, quoi. Oui, sans compter que les gens qui commettent ces attentats, c'est pas des humoristes, hein, c'est pas des marrants, c'est pas des blagueurs, c'est des gens qui ont un discours comme ça en béton. Idées courtes. Et la meilleure manière de les contrer, c'est justement, je crois, par cette espèce de distance, à condition évidemment que cette ironie produise du sens. Ce que fait Charlie Hebdo, par exemple, c'est pas seulement de la déconnade gratuite, hein, c'est vraiment de l'ironie critique, très, très efficace, très forte. C'est comme ça qu'on s'est débarrassé de l'emprise religieuse catholique au début du XXe siècle. C'est avec une ironie dans des journaux comme l'Assiette au beurre, comme d'autres, extrêmement agressive. Et Voltaire avait déjà déblayé le terrain. Voilà. Ouais. Bien sûr, oui. Pierre Jourde est avec nous. La culture bouge encore. C'est publié chez Hugo Doc. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. On a encore des sujets à aborder avec vous. Quel bonheur. Et l'autre bonheur, c'est André Manoukian. Oh, là, lui, il sait mettre des mots. Et il n'en a pas que 200, je vais vous dire. Alors, Yves... Bon, voilà, je prends encore une chanteuse en otage pour parler de flèches et de cercles aujourd'hui. Pas de la flèche de Cupidon, ni du cercle adoré d'un saint ou d'un trou de balle, mais de la flèche du temps opposée au cycle éternel. La flèche du temps, c'est une conception récente dans l'histoire de l'humanité qui est à la base de nos sociétés occidentales. Le cycle, le cercle, l'éternel retour, c'est la conception antique à la base des sociétés extrêmes orientales. La flèche, c'est moderne, le cercle, c'est primitif. La flèche, ça bouge, le cercle est immobile. La flèche emmène ailleurs, toujours plus. plus loin, le cercle revient toujours au même point. La flèche nous emporte vers l'infini, vers Dieu. Le cercle doit être brisé pour que l'on se délivre de la loi du karma. La flèche est vertueuse, le cercle est vicieux. La flèche carbure à la dialectique. Aidée par la raison, elle nous emmène toujours plus loin, toujours plus haut pour tenter d'appréhender les mystères de l'univers ou de Clara Dupont-Mono. Le cercle fait marcher la superstition. Le soleil se lève chaque jour, craignons le jour où il ne se lèvera plus. Le cercle nous fait faire les mêmes bêtises. Le pianiste tombe toujours amoureux de la chanteuse, le chroniqueur de sa patronne, Alex de Clara. C'est normal. Prenez l'éternel mari de Dostoïevski. Pavel Troussotski, coquifié par Velchaninov, se retrouve veuf. Il se remarie et va tout faire pour jeter sa nouvelle femme dans les bras de l'amant de son ex-femme. Les Freudiens appellent ça la compulsion de répétition. Les Jungiens, beaucoup plus sympas, appellent ça l'épreuve de vérification. On va vérifier pour voir si t'es toujours aussi con. Alors, à la flèche de la dialectique chez les Grecs va se substituer la flèche de la foi chez les chrétiens. Elle vise le ciel, cette fois-ci, l'au-delà, la vie éternelle. Jusqu'au XVIIIe siècle, où la flèche de la foi va se substituer à la flèche de la foi, va se substituer la flèche du progrès. Et aujourd'hui, bah hélas, on arrive au bout du parcours de la flèche. Le progrès nous a conduit à l'annihilation programmée de la planète. On a largement de quoi la faire sauter. Si jamais on ne le fait pas, on a déjà commencé à détraquer tout son système. Alors quoi ? Plus de repères ? Plus de flèches ? Il faut revenir au cercle alors. Et ben c'est ce que font les musiciens, toujours en avance d'un cycle. Au début de la musique, il y a 50 000 ans, quelques os de vautour avec 5 trous, les doigts d'une main, et voilà la première flûte pentatonique. Et puis les cordes qui vibrent, et voilà les premiers luths. Et puis l'électricité, puis voilà les premiers synthés. Le pipeau, c'est le premier instrument. Exactement. Je suis un grand joueur de pipeau. Pipeau pentatonique. Et l'ordinateur, et voilà les premiers samples. Et aujourd'hui, eh ben, on a tous les sons de la Terre disponibles sur un simple clic de souris. Et là, c'est le vertige. Alors, retour vers le futur, remontant le temps. Je le disais hier, par la grâce d'Internet, tout musicien peut choisir son époque et son héros à partir duquel il retrace son propre parcours. Ainsi, la linéarité de la flèche qui faisait qu'on aimait d'abord Otis Redding, et puis Curtis Mayfield, et puis Marvin Gaye, et puis Stevie Wonder, et puis Michael Jackson, fait qu'aujourd'hui, on peut revenir à Otis et reprendre la flèche à ce moment-là. Et c'est ce que fait Junior. Cette chanteuse. Ah, ben oui, ben oui. L'objet de la chronique, le voilà. Cette chanteuse française. Vous voulez dire que c'est pas une flèche Un point pour Pierre Jourde. Elle a choisi son époque, les 60s, son pays, la France, sa musique, les yéyés, son mood, la mélancolie, son héroïne, Françoise Hardy. Et vous savez quoi ? C'est quoi le pire ? Eh ben, c'est que tout ça, ça sonne furieusement moderne. Mais quel est ce mystère ? C'est peut-être que la flèche a enfin trouvé son trou. Enfin, je veux dire qu'elle a enfin atteint sa cible. Ah oui, c'est cela, oui. Écoute, on dirait Françoise Hardy. En attendant la fin de la fin du monde, tu voudrais croire que l'histoire se terminera bien. Et pourtant, à des kilomètres à la ronde, dans le trou noir, y'a rien à voir, ça va, ça vient. Et c'est peut-être ta dernière chance. Tu t'y fais la force d'y penser. Plus souvent, quand ton esprit vagabonde, tu te répètes peut-être à défaut d'arguments. Finalement, l'espace d'une fraction de seconde, tu te dis que l'infini, c'est dans trop longtemps. Et c'est peut-être ta dernière chance, tu t'y fais à force d'y penser. Et c'est sûrement perdu d'avance, comme toi. après Junior, la fin du monde. C'est chouette d'attendre la fin du monde en écoutant Junior, non? Ouais, mm-hmm. c'est on peut très faire très autre chouette. Chose aussi, Charlie. Oui. Ou les hommes en même temps. Bien sûr, c'est une chanteuse du Honduras. Pourquoi? Allusion, voilà. Claire Dupont-Baudou, quand vous lancez des choses comme ça, imaginez qu'il y a des gens qui nous rejoignent seulement maintenant à 17h38 sur France Inter. Parce qu'il a parlé d'une chanteuse danoise et en fait qui était norvégienne. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, il nous a présenté Junior, lui on est très reconnaissant. Pierre Jourde, qui aime beaucoup Françoise Hardy, apprécie Junior. Pierre Jourde qui est avec nous. Culture bouge encore, paru chez Hugo Doc. Clara Dupont-Mono va nous en parler. Mais là, tout de suite avant, on va apprécier du Marius Colucci dans le texte. Impression. Oui, alors voilà, moi je me suis un peu renseigné sur vous, Pierre Jourde, et j'ai vu que vous étiez un spécialiste de la littérature du 19e siècle. Et moi aussi, c'est une période que j'aime beaucoup, sauf que moi, bon bah comme je suis un peu plus geek que vous, j'étudie surtout la littérature fantastique. Et aujourd'hui... C'est là qu'elle naît. Eh ben voilà, c'est exactement pour ça que je voudrais en parler, parce que justement, aujourd'hui, en 2016, on fête les 200 ans d'une rencontre qui a eu lieu en mai 1816 en Suisse, entre deux auteurs exilés, à savoir Lord Byron et Mary Shelley. Alors, Mary Godwin et son futur époux Percy Shelley s'enfuient d'Angleterre, parce que en fait, ils fuient le puritanisme, parce qu'ils sont pas encore mariés et que Marie est déjà enceinte. Mais bon, à l'époque, ça la fout mal. D'ailleurs, Percy Shelley est un peu un spécialiste parce qu'il abandonne au passage sa précédente femme qui était également enceinte. Alors, ils ont emmené avec eux un livre féministe contre le mariage qui a été écrit par la mère de Marie, qui est morte quand elle était très très jeune. Elle avait 11 jours, donc elle était très très très jeune. Mais donc, ils ont emmené ce bouquin pour savoir un peu ce que c'était l'amour libre. Et puis, au passage, ils ont aussi emmené la demi-sœur de Marie, hein, qui t'apprenait l'amour libre, autant voyager à trois. Et d'ailleurs, ils épousent comme ça, à leur manière, l'idéal du héros romantique dont les états d'âme s'opposent à la raison et à la culture dominante dans la société. Ils épousent quelque chose quand même. Et ils épousent quand même quelque chose. Et d'ailleurs, après, ils vont se marier. Il va y avoir une espèce. Elle va mal le vivre, Marie Shelley, d'avoir fui, et notamment son père. Mais lors de leur voyage en Europe continentale, ils ont la chance de rencontrer Lord Byron, un génie du romantisme et même volontiers libertin, qui va d'ailleurs s'empresser de faire un enfant à la demi-sœur de Marie Shelley. Moi, j'aime ces chroniques-là. Lord Byron est en effet lui aussi en exil. J'ai envie de dire, un peu depuis. Toujours, quoi. Il a collectionné autant de passions amoureuses avec des femmes que de relations sexuelles avec des hommes. Et à ce titre, on peut pas dire qu'il ait vraiment été bisexuel ou homosexuel, mais plutôt qu'il était sexuel, tout simplement. C'est notamment cette sexualité qui l'a poussé à visiter l'Orient, dont il est revenu un peu déçu parce que finalement, il rencontre partout les mêmes paradoxes chez les hommes. Du coup, il est rentré en Angleterre et comme il a hérité par son grand-père du titre de Lord, il veut faire de la politique. Mais pour ça, il faut montrer qu'on est bien intégré et par exemple se marier et faire des enfants. Donc, il se marie en se forçant énormément parce qu'il a, pour paraphraser Baudelaire, l'horreur du domicile. Et il pousse le vice jusqu'à faire un enfant et là, c'est absolument le drame. Il devient complètement fou. Le poids des responsabilités le rend littéralement hystérique au point que sa femme a peur qu'il tue leur propre enfant et qu'elle lui fait un procès. Ce qui fait ressortir dans la presse toute sa sexualité marginale, son inceste avec sa demi-sœur, j'en passais des meilleurs. Et il n'a pas d'autre choix que de partir, non pas en voyage comme la première fois, mais bien en exil. Donc évidemment, c'est la fin de sa carrière politique. Hein. Il faut replacer ce scandale dans l'Angleterre puritaine du 19e siècle pour comprendre qu'à côté de ça, les coucheries de Dominique Strauss-Kahn, c'est des faits divers anodins. Alors Lord Byron, pendant son exil, rencontre Percy et Mary Shelley, et puis la demi-sœur bien sûr, qui l'invite en séjour au lac Léman. Ce fut un été humide et rigoureux, se rappelle Mary Shelley en 1831, et la pluie incessante nous confinait des jours entiers à l'intérieur de la maison. Du coup, ils passent leur temps à lire des histoires fantastiques. Vous m'avez fait peur. Alors ça, ils l'ont fait aussi, a priori, mais ils n'en ont pas parlé dans leur préface. D'abord, je termine mon chapitre. Et puis... Du calme, Marie. Alors du coup, ils passent leur temps à lire donc des histoires fantastiques tirées des contes germaniques. Et Lord Byron a une idée, il propose que chacun écrive une nouvelle fantastique. Donc lui, il va faire une introspection et poser les bases d'une nouvelle appelée « Le Vampire ». En fait, dans cette nouvelle, il reprend le thème du double maléfique qu'on trouve aussi chez Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray ou chez H.G. Wells dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Chez Hoffman. J'ai vu que vous-même d'ailleurs, vous aimez bien écrire des doubles ou bien maléfiques ou bien bénéfiques. En effet, dans cette nouvelle, il est à la fois le narrateur, un jeune homme romantique, mais aussi Lord Ruthven, un mort-vivant qui voyage à travers le monde en multipliant les aventures sexuelles pour voler l'essence vitale de ses victimes. Il invente donc la figure du vampire aristocrate et romantique qui sera repris par Bram Stoker à la fin du siècle dans Dracula. Mary Shelley, elle, de son côté, écrit la première ébauche de Frankenstein où elle présente un être créé par l'homme et non par Dieu, la conclusion du roman étant que l'homme marginal et romantique ne peut pas vivre dans la société et doit s'exiler pour fuir les persécutions de la morale établie. C'était il y a 200 ans et c'était la naissance de la littérature fantastique moderne. Marius Colucci, alias Coluccipédia. Sachant que les premiers textes vraiment fantastiques, c'est Cazotte à la toute fin du XVIIIe siècle. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, effectivement... Bon, c'est plutôt les Anglais et les Allemands qui l'ont vraiment donné ces lettres de noblesse, c'est vrai. Et ceux-là sont les textes, les premiers textes qui ont été les plus populaires et qui ont fait passer de la littérature romantique à la littérature fantastique. Et qui font naître les grands thèmes qui sont toujours les mêmes, d'ailleurs. Qui sont toujours les mêmes, Et alors, André à Chamonix, il y a la mer de glace, et au-dessus, il y a un refuge magnifique qui a été fait au 19e. On dit, c'est le Tissy que Marie Shelley, une nuit qu'elle était dans ce refuge qui est un petit peu spooky parce qu'en altitude, et sa brasse a eu l'idée d'écrire Frankenstein. Alors, c'est vrai qu'il y a des scènes de Frankenstein. Alors, je me rends pas compte, Chamonix, dans la c'est glace. À côté du lac Léman. Bah oui, c'est pas très loin, En fait. Oui, alors, elle c'est vrai qu'ils ont fait préface un refuge où elle est avec ses amis. Je vais servir le thé pendant ce temps. Et ils ont fait tout un périple à travers l'Europe et les Alpes juste avant d'aller rejoindre Byron. Effectivement. Non, j'aime bien quand on remet. Mais vous prenez la 6 ou la 8 Vous êtes sur France Inter. Pied, Charline, je vais vous emmener un jour. Mais oui, mais voyez comment on se passionne pour les choses entre Marius Colucci, Andrea Manoukian, Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek, bien sûr, et notre invité Pierre Jourde. On va aborder avec vous le deuxième sujet, Pierre Jourde. Je sais que vous adorez le rock. Les Rolling Stones promettent un concert historique à Cuba. En ce moment, tout ce qui se passe est historique à Cuba. Je veux dire, si Lara Fabian décide de se produire, ça va être historique. Cela dit, le rock anglo-saxon à Cuba, s'il n'était pas piraté, le seul auquel on pouvait avoir accès à l'or, rappelez-vous, c'était celui-là. Un Big John sur Fridge, je me sens bien, j'ai la trique. Le Canada, c'est beau, et putain, toute cette eau. Le soleil devant, la rivière derrière, et moi au milieu, putain, ça m'émeut. T'as du rock, hein, t'as des guitares. J'aime pas. T'es nul. C'est Bouly Lanner dans Je suis mort, mais j'ai des amis. Alors, donc demain, 20h30, heure de La Havane, les Rolling Stones vont offrir un concert gratuit à la Cité Sportive. C'est un complexe inauguré avant les révolutions castristes de 59. Voir un jour les Rolling Stones en concert à Cuba, est-ce que vous l'aviez rêvé, Pierre Jourde? Est-ce que ça vous fait triper? Triper, je sais pas, ça fait un peu concert pour maison de retraite quand même. Parce que Keith Richards et Fidel Castro, ça doit être l'arthrose généralisée. On se demandait lequel allait partir en premier, ils sont toujours là. C'est quand même inattendu. Oui, donc pour vous, il y a un côté, il y a une belle image, mais. Cela dit, c'est fascinant que. Au fond, Cuba soit le seul pays au monde où on ne connaisse pas les Rolling Stones. Enfin, peut-être avec alors, le Malawi, si, mais j'ai si, alors, si, ils le connaissent. Ah bon. C'est-à-dire, parler, ouais. ça passait sous le manteau quand même. Il y a toujours moyen à Cuba de moyenner à Cuba avec les marchés parallèles, les marchés noirs et quelques piratages. Je suis pas sûr que ça va être un concert d'anthologie. Mais l'image est forte. Donc, c'était une musique considérée comme impérialiste. Tiens, est-ce qu'il existerait aujourd'hui une musique qu'on pourrait considérer comme impérialiste? Ou pas du tout. Comme impérialiste. Ouais, ah, il faudrait demander ça à André Manoukian. Est-ce qu'on est capable d'en considérer une comme impérialiste? La musique anglo-saxonne, par essence, est impérialiste, puisqu'elle est même organisée avec les majors pour diffuser la musique dans le monde entier. Quand vous signez avec une major en France, par exemple, vous signez des contrats pour le monde et vous dites chouette, mais en fait, ça marche pas du tout dans ce sens-là. Ça marche que des États-Unis vers l'Europe, mais vous pouvez jamais remonter le courant, en fait. Il faut être dans une cellule spéciale. Donc, par essence, toute la musique anglo-saxonne dont les Rolling Stones est impérialiste. Mais moi, ce qui me fait marrer dans leur concert à Cuba, c'est qu'il n'y a pas d'île, il n'y a pas de peuple plus musicien que les Cubains. C'est à tomber par terre. Franchement, ils apprennent tous. Quand vous allez dans les bars, quand vous vous baladez sur la Calle Obispo, puis que vous voyez tous ces musiciens qui jouent, il faut savoir qu'ils sont c'est tous. C'est à côté de la Calle Pani. Oui, c'est ça. Même dans le nom de leur rue, il y a hommage à Pani. Comme quoi, ils adorent la musique. Mais vous fêtiez, pardon. Donc rien à voir avec la choucroute. Tous les musiciens qui jouent là sont diplômés du conservatoire. Et la musique populaire, ils font ça pour se marrer. Mais ils apprennent la musique sérieuse et classique au conservatoire. Et après, tous ces rythmes yoruba, ça vient après. Et pour le rock plus de niche, je vous conseille évidemment le blog de Pierre Jourde, Confiture de Culture, où vous abordez le rock de façon plus pointue, souvent. Oui, de temps en temps. Mais enfin, j'oserais pas en remontrer à mon voisin. Clara Dupont-Mono, revenons-en à l'ouvrage de notre invité, Pierre Jourde. Eh bien oui, parce que c'est notre actualité. Il s'appelle votre livre « La culture bouge encore », Pierre Jourde. Je rappelle pour nos auditeurs qui nous prennent en cours de route que c'est une série d'articles corrosif, fidèle à votre esprit acerbe. Pas que. Non, pas que. Oui. En littérature, vous parlez pas mal des livres que vous aimez, mais moi, il y a une chronique de vous qui a retenu mon attention et qui s'appelle, attention, Prolégomène a une esthétique du goût de chiotte. Prolégomène, da. Je vois vos mines à garde, sauf Marius Colucci. Alors non, André Manoukian, ce ne sont pas des percussions anales issues de peuples esclaves dépouillés de leur divinité, non. Non, Alex Vizorek, ce n'est pas une pratique sexuelle déviante à partir de poulies et de Nutella, non. C'est une introduction à un texte, Alex Vizorek, nous sommes d'accord. C'est donc l'introduction à une esthétique du goût de chiotte. Alors déjà, qu'est-ce que le goût de chiotte, demandez-vous en préambule. Parce que le roman Frankenstein dont vous parliez, Marius Colucci, a été catalogué de mauvais goût au moment de sa parution en 1818. Voilà. De la même façon, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo a subi les mêmes foudres des bien-pensants. Et d'ailleurs, Hugo, assez furax, a écrit « Il paraît que c'est un livre qui corrompt le goût et vous rend incapable d'émotions pures. Oh, messieurs les défenseurs de la saine littérature. » Et vous citez Rimbaud, Pierre Jourde, qui avouait aimer, je cite, « la littérature démodée, les livres érotiques sans orthographe, les rythmes naïfs ». Vous-même, Pierre Jourde, vous avouez aimer Captain Biceps autant que Marcel Proust. Non, et les autant. X-Men, je vous proteste. Dites ça, vous dites ça. Les X-Men, presque autant que Fellini. Vrai ou faux ? Oui, j'aime bien, oui. Enfin, c'est pas, ça fait pas le même effet. Mais... Voilà, alors oui. Ça va être la deuxième partie de la chronique, vous allez voir. Il fallait juste répondre oui, en effet. Voilà. Ah, d'accord, pardon, parce que, excusez-moi. Non, parce que là vient une déclaration d'amour. C'est là que je vous aime, Pierre Jourde, car il se trouve que je considère que juste au-dessus de Dieu, un cran au-dessus, il y a Jean-Jacques Goldman et Bruce Willis. En troisième position, il y a Mathieu Gallet, mais c'est mon côté flagorneur. Cet état d'esprit me vaut les colibets des gardiens du bon goût qui sont réunis autour de cette table, n'est-ce pas, André Manoukian ? Or, vous rappelez quelque chose de très important, Pierre Jourde, on peut avoir un blockbuster réussi et un film d'auteur lamentable. Pardon, Éric Rohmer. Autrement dit, le goût de chiotte est égalitaire, il est de gauche finalement, le goût de chiotte, il n'a que faire du standing de l'auteur, ça vous le rappelez. Et puis, deuxième axiome, je vous cite encore, le goût de chiotte implique un choix, donc une culture ouverte. N'aimez que l'érudition, n'écoutez que des chanteuses orientales opprimées, ne lire que des fanzines porno induit forcément un esprit obtus et que personne ici ne se sente visé. Et dans ces cas-là, on ne dira pas « tiens, ce sont ses goûts », mais on dira, je vous cite encore, « cette personne est simplement manipulée par la marchandisation de la culture de masse ». Le mauvais goût est donc une inclination volontaire qui cohabite très bien avec le bon goût. C'est ainsi que Dovatia a sa place à côté de Verdi. Le mauvais goût est pour la mixité. Je vous rappelle qu'il est de gauche et que vous êtes sur une radio de gauche, André Manoukian. Et vous dites une dernière chose, Pierre Jourde. L'authentique goût de chiotte ne fonctionne pas avec le second degré. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un plaisir naïf, de pur divertissement, et c'est ainsi que vous avouez aimer sans arrière-pensée Vanina de Dave, Mickey Parade, et que vous riez vraiment devant Chevalier et Las Palès. Hélas, oui. Voilà. Personne sur cette terre c'est ne grave. Vous. Mais oui, mais c'est pas grave, personne sur cette terre ne vous comprend mieux que moi. L'émotion que suscite encore un matin de Goldman, ou d'ailleurs Hart de Bruce Willis, ça relève du plaisir pur. Je pense que Manoukian va faire un infarctus. Oui, il est en réanimation. J'aime beaucoup Bruce Willis. Ça relève du plaisir pur qui est visiblement insensible à notre entourage. Alors, dernière chose, vous pointez une petite contradiction douloureuse, c'est que parfois notre mauvais goût est en désaccord avec notre jugement. Vous raffolez des refrains de France Gall, Pierre Jourde, et pourtant vous êtes conscient de leur ineptie. C'est déchirant. Voilà. Vous transgressez votre système d'évaluation, vous subissez un retour du refoulé esthétique. Eh bien, ce refoulé, n'ayez crainte, vous aimez France Gall, et je serai peut-être la seule, mais je vous en félicite. Je vous redonne les références, La culture bouge encore, tome 2 est paru chez Hugo Doc, et vous retrouvez cette chronique chronique dans Le Parisien Magazine. Et Guillaume Meurice n'est pas là pour m'empêcher de le dire. Oui, merci, non, merci. Mais on va rappeler quand même que c'est merci. La propriété de Bernard Arnault. Ah, l'abri brûlait. Et que c'est un financier qui tient la presse. Et nous, on aime bien de le rappeler quand même, vous n'y échapperez pas. Vous êtes sur bravo, France Inter, bravo. Radio humaniste, pas que de gauche, c'est une radio humaniste. Absolument. Voilà, c'est tout. On va aborder avec vous, Pierre Jourde, le troisième sujet. Ils ont Superman, Batman ou Iron Man. Nous avons Jacouille la Fripouille, Patrick Chirac, ça c'est camping, ou Brice de Nice. Autant vous dire que c'est pas demain qu'on va pouvoir imaginer un scénario où les héros français vont pouvoir croiser les... Oui, camping. Donc c'est pas demain qu'on va pouvoir imaginer un scénario où les héros français croisent les héros américains. Gotham peut être sauvé. Ah, moi ça pue. Moi c'est laid. Nous réussirons. Pas ici. Ça va vous transformer en crapaud, en chauve-souris, en boue quand tu te donnes. Je m'en charge. Nuit. Jour. Nuit. Attendez. Jour. Nuit. Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. Jacouille la Fripouille, votre humble serviteur. Vous m'en connaissez quoi ? Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. I'm Batman. I care ! Un mix de Jacouille et de Batman, réalisé par Lola Costantini, qui est venue épauler Benjamin Riquet aujourd'hui à la réalisation. C'est la bataille de l'industriel américain et de l'artisanal français. Jacouille, il serait un petit peu plus bio, d'après vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, les Américains sont effectivement très forts, d'abord parce qu'ils ont... Manoukian l'a rappelé tout à l'heure, quand même une force de frappe promotionnelle et industrielle, mais aussi parce qu'ils créent des mythes. Et le mythe, ça s'exporte, ça marche. Mm-hmm. Nous créons des individus, des personnalités à psychologie. Ça, c'est pas, c'est pas aussi fort. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire que chez nous, le mythe, on peut faire Besson, on peut faire Vercingétorix, nous, on peut faire n'importe quoi. Non, c'est pas ça, les mythes. Le mythe, c'est de prendre des archétypes. Je posais donc la question à l'invité. Pas des archétypes. Ah là, c'est l'invité de l'émission. Manoukian, il va dire, quand j'ai écrit La Culture bouge encore, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Pierre Jourde. Oui, des archétypes, exactement, ben voilà. C'est ça. Oui. Oh, vous faites équipe. Vous êtes mignons tous les deux. Vous n'avez pas encore dit, mais vous êtes beaux tous les deux. Anecdote. Un de mes meilleurs amis, Claudio Galderisi, est un érudit médiéviste qui connaît parfaitement le Moyen-Âge. Enfin, c'est une sorte d'Umberto Eco à la française, professeur à l'université. Il est marié. Il est très beau d'ailleurs. Et on se réunit régulièrement pour regarder des films Marvel, des X-Men. Pourquoi ? Parce qu'il y retrouve quelque chose de la littérature médiévale, justement. C'est-à-dire le sens de l'épopée, le sens de l'archétype, le sens du mythe. Et ça serait un peu l'équivalent de ça aujourd'hui, ce cinéma américain, je crois. Le combat du bien contre le mal, sa part d'ombre, Batman, c'est... Voilà. Clara Dupont-Monod. Moi, j'ai l'impression que par rapport à l'artisanat français, comme on dit l'artisanat français et l'industrie américaine, on oppose les deux, c'est pas complètement vrai, mais j'ai l'impression que les films français qui s'exportent, ils sont beaucoup plus dans le registre, pas des dieux, mais de l'humain. C'est intouchable. Exactement. C'est voilà. Bienvenu chez les Ch'tis. Mm-hmm. On adore en France la trajectoire humaine qui va en croiser d'autres. Lucie Luc Besson. C'est l'exception qui confirme la règle. Non, c'est l'exception qui confirme la règle, parce qu'on est du côté des dieux. Et puis Luc Besson, il est plus internationalisé que français, finalement. Il faut avouer aussi que les Américains adorent consommer des produits où nous nous caricaturons nous-mêmes dans la franchouillardise, genre Amélie Poulain, des choses comme ça. Ça, ils aiment bien. Et caricaturer, c'est pas le genre dans la maison. Non, Pierre Jourde, j'aime autant vous dire que vous avez préparé quelque chose qui est. Non, c'est en pas fin les raccourcis, tout on ça. On propose c'est pas à l'invité de participer à un sketch, Pierre Jourde, et je vous donne un rôle facile, c'est le rôle de Pierre Jourde. Parce que vous avez écrit le précis de littérature du 21e siècle avec Éric Nolot, où vous moquiez quand même légèrement les auteurs contemporains, et une demande. J'ai cru voir ça, une demande d'une éditrice, Charline Vanhoenacker, de faire le jour des Manoukian, pour faire la même chose avec les chanteurs. On voit ce que ça donne. Bon, alors ce précis de musique du 21e siècle, ça avance, on en est où là ? On est à M. Ah, M comme Mouloudji ? Ah non, M comme Maé, Christophe Maé. Ah, là j'adore, ça je... Moi aussi, rien que d'y penser, je transpire de l'occiput. Les textes, quelle plume ! Ah oui, ça c'est profond. Bon, vous trouvez aussi, c'est... Souvenez-vous de son tube, On s'attache. Ah oui, ça je connais par cœur, bien sûr. Notez la richesse de l'allitération, quand il dit, je cite, « Mais tu t'enfiles dans la file ?» Ah, rien que d'y penser, moi j'ai la rotule qui clignote. On retrouve la même épaisseur de style chez Girac. Ah, Jacques Girac, mon héros, mangez des pommes. Kenji Girac. Je suis déçu là. Non, vous ne devez pas, c'est brillant. Mm-hmm. Voyez la qualité de ses rimes. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules. Mais non, non, ça rime pas du tout, ça, espagnol et épaule. Enfin. Mais bien sûr que si, avec l'accent du Sud, ça rime épaule. Oui, bon, d'accord, admettons. On a déjà Christophe Maé, Jacques Girac, là, alors qui d'autre? M. Pokora. Magnifique artiste. Avec des titres éloquents comme « J'attendais »,« Si tu pars »,« On est là ». Reste comme tu es. Oui, apparemment, c'est quelqu'un d'indécis, quoi. On a aussi des chanteuses. Oui, bah, allez-y, on n'est plus là près de ça. Hein, bah, par exemple, on a Laurie. Ah, vous allez encore me vanter la qualité des paroles, bien sûr. La qualité, le mot est faible. Là, on est sur l'excellence. Par exemple, dans La positive attitude, elle chante. Mm-hmm, ouais. Il y a ceux qui draguent sur la plage, d'autres s'éclatent au bricolage. Ah, oui, et alors donc C'est clairement une métaphore de la conjoncture géopolitique. Ah oui, carrément, ah oui, carrément. Ah oui, j'ai pas vu. D'autres s'éclatent au bricolage. Bon, oui, alors. Les terroristes qui se font exploser avec leur bombe artisanale. Il va être génial le jour des manoukiens. Ah mais si, tout s'éclaire. Non mais attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, j'appelle Eric Nolo. Je compte sur lui pour proposer le père Cénolo. On va aller tout seul. Bravo Pierre Jourde, vous étiez magnifique. Vous étiez magnifique en Pierre Jourde. Merci beaucoup. C'est ce que je fais le mieux. Passez cette heure avec nous. Je rappelle votre ouvrage, La culture bouge encore. C'est paru chez Hugo Doc et je recommande votre blog sur le site de l'Obs. Culture, confiture. Merci Pierre Jourde. Je rappelle qu'on se retrouve demain en direct à Bruxelles, à Flagey, dès 16h avec la RTBF, une 2 heures d'amitié franco-belge. Et puis, on va laisser le mot de la fin aux Rolling Stones en concert demain à Cuba pour libérer les Cubains de ce rock-là. Le soleil devant, la rivière derrière, et moi au milieu, putain, ça m'émeut. C'est du rock, hein, t'as les guitares. Non, t'es nul. J'aime pas.